J'étais enfant de l'automne, dans Manhattan monotone, petit verre dans grosse pomme. La ville ne m'a pas pardonné, son ventre qui m'a porté. Moi le gosse mal supporté, je suis venu me réchauffer au mille feux de tes faubourgs. J'étais enfant de l'automne, petit troubadour atone, un aveugle qui tâtonne. Trop longtemps j'ai sillonné les déserts de la cité, moi qui n'ai pu naître achevé, je suis venu me réchauffer au corps de notre grand.